programme que vous allez entendre est une rediffusion. Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur l'émission Au fond près du radiateur, FPP 106.3, avec Raphaël à la technique, moi-même, Moustapha. On a des invités comme Tristan et Youssouf. Tristan qui a fait pas mal partie du mouvement de solidarité sur des questions de migrants, notamment sur La Chapelle et Pajol l'été et le printemps dernier. Youssouf qui est un ancien migrant, qui a fait une demande d'asile en France et qui est d'origine tchadienne. Olivier et Mouloud. Enchanté. Enchanté tout le monde. Bonsoir. Enchanté. Et du coup, ce soir, on a une émission un petit peu spéciale qui est sur Calais et sur la grande manif qui a eu lieu il y a 2 semaines à peu près. Et du coup, là, tout de suite, on va écouter un petit peu le montage qu'on a fait sur la manif de Calais d'il y a 2 semaines. Je peux poser des questions. Pourquoi vous avez manifesté aujourd'hui? C'était pourquoi, alors, le manif? Moi, je viens juste pour soutenir les immigrants de Calais. On soutient eux parce qu'ils souffrent pour les papiers. Nous tous, nous sommes des sans-papiers. On soutient pour les sans-papiers aussi encore, ils voulaient aller à quelque part, à l'Angleterre. On est venu pour les soutenir, libérer la lutte pour les... Je vous demande, merci beaucoup. Et vous savez pourquoi vous avez manifesté aujourd'hui? Elle cherche les papiers. Par une organisation de tous les sans-papiers. Et le papier, c'est pour tous? Pour tous. Oui. Par une organisation de tous les sans-papiers de France. Vous savez pour combien de temps que vous avez des papiers? Le délai d'urgence? Ah, c'est difficile. C'est difficile de dire. Ah, c'est difficile. Merci beaucoup. On est là pour ça. D'accord. Oui, pour montrer au pouvoir, on est là. La France est construite par des immigrés. Et qu'est-ce que vous avez pensé pour l'avenir, pour ce monde-là, en fait? L'avenir, c'est nous. Bonjour. Est-ce qu'on vous... Pourquoi vous êtes manifesté aujourd'hui? Alors nous sommes ici en solidarité avec les réfugiés de la jungle par rapport à leur situation qui est difficile. Et nous sommes là pour partager ce moment avec eux et mettre la pression non seulement sur l'Angleterre pour qu'ils ouvrent la frontière et que ces réfugiés puissent rentrer en Angleterre. On n'est pas là pour faire de l'humanitaire. Nous sommes là pour... dans le cadre de la politique, pour pousser le gouvernement à trouver quelque chose pour les réfugiés. D'accord. Notre question, en fait, est-ce que tout le monde a envie d'aller en Angleterre ou bien... Ben, ceux qui veulent rester en France, la France doit reconnaître le statut de réfugié. Et ceux qui veulent aller en Angleterre, le laisser la liberté d'aller en Angleterre. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci. المطالبة بفتح الحدود نعم أيوة نطلب من السلطات الفرنسية والبريطانية فتح الحدود نعم لعبور اللاجئين إلى UK لأن طلبكم الوحيد بأساس أن توصلوا إلى المملكة المتحدة نعم والوصول عليها الوصول عليها نعم كيف يعني بحالة بأي طريقة يعني من الطرق توصلوا بعد تسنم تواجه صعوبة في الوصول إما نعم نواجه صعوبة في الوصول ولكن نريد فتح الحدود وشكرا بارك الله تقبل مشكور أخي هنا لأنه جيت نرفين جين سوداني il parle en même temps qu'il demande la frontière l'ouverture de frontière en même temps il réclame la liberté et que avoir une frontière libre à tout le monde donc c'est ça qu'il m'a dit merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous posez des questions? Vous avez manifesté pourquoi? Quoi? Pourquoi vous avez manifesté? Ben, on manifestait aujourd'hui pour soutenir les réfugiés, les réfugiés, les sans-papiers et les demandeurs d'asile. Et nous sommes là aujourd'hui pour soutenir cette démarche-là parce qu'on n'accepte pas qu'Europe aujourd'hui reçoive les réfugiés alors qu'il y a la guerre en Afrique, il y a la guerre à la Chine, il y a la guerre partout. Et ces réfugiés-là, ils viennent aujourd'hui ici et l'Europe reçoive. Et est-ce que vous avez des idées que si les gens veulent déposer l'asile ici ou bien aller en Angleterre? Mais bien sûr, à la 5 ici, ça fait 4 fois que nous on venait ici, on voit des sans-papiers, on voit des réfugiés qui veulent traverser la frontière, mais la frontière est fermée, ils ne peuvent pas traverser, alors qu'ils ne peuvent pas rester en Europe. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. demander au gouvernement européen de l'ouvre les frontières pour que les réfugiés qui circulent, qui veulent partir en Angleterre, qui veulent partir en Allemagne, qui veulent passer. Et en même temps, il y a l'Italie qui ferme la frontière. Est-ce que vous avez des idées ou bien de nouvelles pour ça? Est-ce qu'ils vont ouvrir ou non? Mais nous sommes étonnés aujourd'hui parce qu'on a vu que l'Europe unie, l'Europe, la loi unique, l'économie unique, aujourd'hui on voit que l'agriculteur ferme ses frontières alors que les réfugiés, c'est pas l'ancien, c'est le nouveau. Parce qu'ils ont vu l'arrivée massive des réfugiés, c'est pour ça qu'ils ont fermé leurs frontières. Et nous on trouve que c'est pas normal aujourd'hui qu'on ferme leurs frontières alors que les gens qui sont en train de crever du faim, crever du froid, sous la pluie, sous la neige, c'est pas normal. Merci monsieur, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour, est-ce qu'on peut vous poser des questions? Pourquoi vous êtes manifesté? Ah bah, on est là pour soutenir les migrants, les réfugiés, on les appelle comme on veut, mais on est là pour être avec eux et pour dire que l'État et le gouvernement sont absolument hypocrites. Que Hollande y pleure quand il voit un enfant dans les médias, etc., réfugié par terre. Mais quand ils sont pas morts, eh ben il fait rien. Donc pour Hollande, un bon réfugié, c'est un réfugié mort. Ben, nous, on n'est pas d'accord. On dit que l'État, il a sa responsabilité dans les guerres qui créent la misère, etc. Et que du coup, l'État doit prendre sa responsabilité, accueillir tous les migrants et régulariser tous les sans-papiers. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre réflexion. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi vous êtes manifesté aujourd'hui? On est venu manifester pour le UK, pour la Grande-Bretagne ouvre ses frontières pour les réfugiés syriens, afghans, tous les réfugiés qui ont pris l'eau pour venir et pour être free, pour qu'ils ouvrent leurs frontières pour qu'ils puissent rentrer, quoi. D'accord. Je vous remercie beaucoup. De rien. Bonjour, c'est la radio SPP. Comment? En fait, c'est la radio SPP. Pourquoi vous êtes manifesté aujourd'hui, en fait? Bien, comme beaucoup d'entre nous qui sommes là, c'est en soutien aux migrants, à leur calvaire et pour les frontières. Est-ce que vous avez des idées que le pays européen sera d'accord d'ouvrir la frontière libre et transparente? Bah oui, c'est pas compliqué. Et puis, c'est aussi le résultat de la politique qu'ils ont menée à l'international, de guerre, de destruction, de pillage des richesses. Et donc, c'est logique que des gens viennent ici pour les réclamer. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. S'il vous plaît. Pourquoi vous avez manifesté? Il faudrait que tous les sans-papiers ont des papiers, que leur demande d'asile se fasse plus rapidement. Ouais. Également pour apporter un peu de soutien, quoi, parce que ça fait plaisir de voir tous ces gens-là aujourd'hui rassemblés pour une bonne cause, je pense. Ouais. Et que ce qui se passe dans les camps des réfugiés, parce que moi, enfin, on appelle ça des jungles, mais au final, c'est pas des jungles, c'est des camps de réfugiés. Ouais. Et faire attention avec les mots, c'est super dangereux, mais ouais, c'est surtout là pour le soutien avec les immigrés, en tout cas. Voilà, mais de rien. Merci. Pourquoi vous êtes manifesté? Ça va, Martine? Parce que tout simplement, je fais partie de Voix des Migrants, donc qui est un collectif allemand de Berlin, et qui défend la voix des migrants, et c'est les migrants eux-mêmes qui défendent leur voix, donc voilà. On fait partie du soutien et on soutient jusqu'au bout les migrants. Est-ce que vous pensez un jour ou l'autre que l'Angleterre sera ouvrir la frontière? Ben, en tout cas, on l'espère de tout cœur et on se bat pour ça, en tout cas pour que l'ouverture des frontières se fasse non seulement en Angleterre, mais dans tous les pays européens et en Afrique surtout. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et pourquoi vous avez manifesté? Ben, nous, on est là, nous, le NPA, pour exprimer une totale solidarité envers les migrants. Voilà. Nous, on pense qu'il y a une urgence humanitaire absolue. Il faut les accueillir, il faut leur donner des moyens d'être là. Voilà, il faut qu'il y ait une politique qui soit là pour accueillir ces gens-là. Et en même temps, nous, on veut dénoncer le climat ambiant, le climat de racisme, de xénophobie. On voit bien tout ce qui se passe. En plus, on est sur des terres où le Front National a eu des succès électoraux. Donc, on a envie d'affirmer le contraire, de montrer que dans la population, il y a aussi des gens qui sont solidaires et qui sont pour la libre circulation des gens, qui sont pour les accueillir et qui qui ont envie justement de combattre toutes ces idées qui divisent les gens entre eux, quoi. Pour nous, c'est fondamental. Et on sait que c'est une bataille à mener. Alors, il y a une manifestation là qui est réussie, à notre avis. Et en plus, en lien avec les manifestations en Grèce à la frontière gréco-turque, hein, à Evros, et puis en lien aussi avec les Anglais qui manifestent aussi pour la libre circulation. Ouais, pour nous, c'est ça qui est chouette aussi. C'est qu'il y a quelque chose qui peut se construire en Europe. Hein, des messages de solidarité, et puis des liens comme ça, de coordination. Et on résiste à tout ce qui se passe aujourd'hui de dégueulasse dans la société. Donc voilà, c'est fondamental. Après, c'est pas ce que dira complètement la manifestation, mais on sait qu'il y a des problèmes politiques aussi à discuter. Hein. C'est le rôle des États aujourd'hui, comme la France, hein, l'Union européenne en général. C'est tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui qui peut aggraver la situation. Hein. Les soutiens à Erdogan en Turquie, les complicités avec Bachar el-Assad, les complicités avec le régime saoudien. Enfin, on voit bien que le problème politique est très complexe et que c'est pas juste comme ça des gens qui fuient une misère ou disent « Ah, salut Pierre !» Et c'est qu'il y a aussi des problèmes à discuter fondamentalement et que respecter les gens, ça voudra dire s'opposer aux politiques impérialistes. Je vous remercie beaucoup, monsieur. De rien. Pourquoi vous êtes manifesté ? Je viens manifester parce que c'est important de montrer de la solidarité avec les personnes migrantes, les personnes réfugiées, les personnes sans papier, et de montrer que toutes les personnes qui habitent ici ne sont pas d'accord avec toutes les politiques xénophobes, racistes, islamophobes, les politiques sécuritaires, les frontières meurtrières, et que ce qui crée l'exil, ce qui crée la migration, c'est les guerres impérialistes que les puissances occidentales mènent un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est important de sortir dans la rue et dire qu'on est là. Et voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre... Pas de problème. Mohamed. Merci Mohamed, ahlan bik. البد من المظاهرات يعني شنو والله بس المظاهرات دي والله ان شاء الله بس تقدر تفتح لنا الحدود يعني عشان نقدر نمشي لانه هنا احنا بنتعامل معامله سيئه اول حاجه في الجنجل اول حاجه زمان كان بيجيبوا لنا المساعدات ناس اي عربي بيجي تيجي الجنجل بيدفعوا قروش يعني في ناس بيقولوا زمان كان بيجوا طوال هسه حاليا بيجوا ما بيجوا زادوا يعني في هسه حاليا عندي اصحابي قبل فتره كانوا انضربوا بالليل نفرين وامس حاليا ضربين 15 نفر 15 نفر يعني ما ضرب انه كلهم دفعه واحده لا مره كان اثنين ثاني مره ثلاثه ثالث مره اربعه يكون عراقيين يكون سوريين يكون اريتريين الضربنهم من يعني هل بتعرفوا والله ما عارف لكن هم بيقولوا راكبين عربيه ملاكي واحدين بيقولوا فاشيستي وهم بيقولوا لا ما فاشيستي لابسين لبس بتاع شرطه لابس على الشرطه هم اصلا قالوا هنا انا بتكلم مع واحد فيهم قال لا يا اخي النازل اللي هو الشرطه بتحاول تخوف الناس عشان ما تيجي بالليل تحاول تمشي الترين او تمشي المينا او حاجه زي دي ايوه عشان ده يعني اصحابك اللي انضربوا انت حالتهم كيف يعني والله كلهم يعني اقل واحد يعني ضرب انه في راسه فتح له راسه في خياته وبرنامج شكرا محمد عفوا ici c'est un jeune soudanais qui me dit ça Le problème qu'il a en fait, il a eu des problèmes. Le problème, c'est que ses amis, ils ont presque 15 personnes, ils étaient tabassés, ils ont mal frappé, ils ont là à l'hôpital, syrien, irakien, soudanais. Mais il me disait à la jungle, une fois qu'on arrive au jungle, tout le camion qui part ou le petit voiture qui part donne la nourriture ou des trucs, on les a fait payer des amendes ou des payer n'importe quoi. Donc, le problème ce n'est plus comme avant et réclame l'ouverture de la frontière de l'Angleterre en fait. Merci. Comme l'hiver Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts Vous êtes ici chez vous Après tout peu importe On veut partir alors ouvrez-nous la porte ouvrez les frontières ouvrez les frontières Du Cap à Gibraltar Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venez sans rendez-vous Nous voulons voyager et aussi travailler Mais nous on vous a pas refusé le visa ouvrez les frontières ouvrez les frontières Nous aussi on veut connaître vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits, en levant très vite sur le chemin de l'école. Un beau jour, il décide de prendre son envol. Et pourquoi vous êtes manifesté aujourd'hui? Bon, manifesté pour les sans-papiers, pour les réfugiés, pour les calais, pour les gens qui sont là, la calais là. Ils ne dorment pas bien, ils ne mangent pas bien, il y a le foie, il y a partout. Tous les réfugiés, ils sont trop fatigués. Bon, faire une manifestation. Pour le frontière, ça va ouvrir, la frontière. D'accord, je vous remercie beaucoup pour votre action. Ok, merci beaucoup. Et pourquoi vous êtes manifesté aujourd'hui? Pour soutenir les migrants, les sans-papiers, voilà. Pourquoi je manifeste? Parce qu'on est actuellement dans un gouvernement qui vise et stigmatise les migrants pour masquer les réels problèmes. Voilà. Et avec des manifs que vous faites, tout le rassemblement, est-ce que ça va changer quelque chose pour la frontière européenne en fait? Pour l'instant, je pense dans les médias, non, ça ne changera pas. Enfin, le problème, c'est que l'Europe est une forteresse aujourd'hui. Si des manifestations comme ça se multipliaient, mais il est bien évident qu'il faut un mouvement d'ampleur bien plus considérable que celui-là. Ça, c'est évident. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre action. Pourquoi vous êtes là? Écoute, moi j'ai un passeport français. Ils n'ont pas le droit de traverser des frontières alors que les marchandises, on a le droit de les vendre là-bas. Les bombes, on a le droit de les envoyer là-bas. Et eux, ils n'ont pas le droit de vivre ici. Oui. Dignement en tout cas, parce qu'on les laisse vivre dans la boue. Et ouais, je pense que c'est la moindre des choses. De leur montrer mon soutien et même à défaut de pouvoir faire grand chose avec mes petites économies, au moins de leur dire que dans mon pays à moi ils sont bienvenus. Je vous remercie pour votre action. Pas aussi. De problème. Merci. Il y a une prise de parole là-bas. Exceptionnel, sans précédent pour notre éternité, que vous êtes là, les migrants, qu'on doit vous aider, vous devez avoir vos papiers. C'est pourquoi maintenant nous allons écouter notre frère qui vient de l'Allemagne. Il s'appelle Ali. Thank you everyone to be here. My name is Ali. I come from Germany. I'm refugees also like you. And I was here enough. Sometimes. Like maybe two times in last month, I was in the jungle supporting you. We are here because we share the same thing like you. I'm refugees, I'm migrant. And I'm here to fight also for you to be in England. Because this situation, we don't like it. And one thing that I want you to know, Kale is now. Kale is not yesterday. Kale is not tomorrow. Kale is today. Kale is now. We have to move now. We have to be your voice. You have to demonstrate every day, every morning. And you have to say to them, you don't like these containers because it's not these containers you need. You need to be in England. This is your solution. Make it political. Make your demand political. You need to be in England. Please, please. You have to say to the authority here in Calais. You don't like to stay in Calais. That is true. You don't like to stay in France. That is true. So they have to open the border for you to go to England. Because they don't like you here. So they have to open the border. No one is illegal. No one is illegal. Why I say it? Because England people have right to come to France. French people have no right to cross the border to England. Don't give up. Fight for your right every day, every morning. Every night. I will be here and my friend and support will be here every day. Every time to support you. But please organize yourself. Be united. Be united. Be one. Because your aim, your goal is in England. All of you want to go to England. So be together. Cross the border. Go to England. I just want to say one thing, you know, I live in the jungle, I come from the UK, I've been here 1 month. I want to say one thing to people, I don't know if you know this, but the people that live in the UK, the England people, people in England, everyone here is very welcome. The people in England, everyone here is welcome. The government in England won't let people come. That's all I really have to say. You need to understand this. The government, the people, the money, the bombs, the guns, all this bullshit that is happening, you're not welcome by the government. This. And also remember this. This is good. Wherever you go, take this with you. This feeling about people. That's all I have to say. Thank you. UK, UK, UK, UK, UK, UK. Go jungle, go jungle, go jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Go jungle, go jungle. Go jungle, go. No side goal, no side goal. UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, UK, en Angleterre, puis en Angleterre. Et l'information que j'ai reçue du directeur de la préfecture de police de Paris, jeudi à 18h. Donc restons mobilisés. Ça fait 2 mois que nous préparons cette manifestation. Ça a réussi et ça a poussé les deux pays, non seulement la France et l'Angleterre, à faire des efforts. Et restons mobilisés jusqu'à ce que tous les gens qui sont dans la jungle à Calais ici ou à Dunkerque puissent rentrer en Angleterre. Parce que moi je pense que tous ceux qui sont ici ont des attaques en Angleterre, qui n'ont pas d'attaques, ils ont des liens historiques avec l'Angleterre, comme nous avons des liens historiques avec la France. Donc restons mobilisés. Je voudrais vous dire tout à l'heure, avant bien sûr que quelques artistes interviennent vous dire merci, car le pied vient là où le cœur y est. En tout cas, merci pour cette grande mobilisation. Le chant d'un seul oiseau ne peut réveiller un village. Merci pour le soutien que vous apportez à Calais. Eh bien, on a vu l'autre face des Calais aujourd'hui, qui rime aussi avec la misère, qui rime avec beaucoup de choses. Mais grâce à votre mobilisation, à votre courage, à ces anonymes partout, merci. Merci pour le soutien. Merci pour ce que vous avez fait. Vous êtes venus, ceux qui sont venus. Merci d'être venus. Le pied vient là où le cœur y est. Il faut vous applaudir très très fort, encore plus fort, plus fort. Everybody clap your hands. Je voudrais remercier Radio, la radio qui est là, 106.3, la radio La Voix des Sans-Papiers, en reportage, et toute la presse nationale et internationale pour relayer l'écho, l'espoir de tout un peuple, de tout un monde. Mais je voulais vous dédier cette chanson. Ça s'appelle Là-bas. Là-bas, là-bas, ils ont détruit ma patrie, je n'ai plus de patrie. Là-bas, là-bas, ils ont détruit mon pays, je n'ai plus de pays. Là-bas, là-bas, il n'y a que des paysages dans mon village. Là-bas, là-bas, ils ont détruit mes repères, je n'ai plus de repères. Là-bas, là-bas, il n'y a que des revers et des revers. Là-bas, là-bas, ils ont détruit mon passé, je n'ai plus de passé. Malgré toutes ces années passées là-bas, là-bas, là-bas, là-bas, là-bas, faites attention aux exactions qui mènent aux frustrations. Là-bas, là-bas, ils ont détruit ma maison, je n'ai plus de maison. Là-bas, là-bas, il n'y a plus de raison que j'y reste. Là-bas, là-bas, là-bas. Et tout le monde, ne va pas là-bas, là-bas, tout le monde, ne va pas là-bas, là-bas, là-bas. Je viens de là-bas, là-bas, là-bas. Ne va pas là-bas, là-bas. Tout le monde, bat les mains. Ne va pas là-bas, là-bas, là-bas. Ne va pas là-bas, là-bas, là-bas. Je viens de là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Il n'y a pas d'oiseau qui chante là-bas, là-bas, là-bas. Il n'y a pas de bébé qui pleure là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Ils ont tué la vie, ils ont tué le bonheur là-bas, là-bas. Anna Umtumi, Souria, Anna Umtumi, Libya, Anna Umtumi, Souria, Anna Umtumi, Africa. Everybody clap your hand! Merci! Et bien, félicitations, merci, mobilisation, action aux anonymes, aux bénévoles de partout, de Londres, qui sont quittés à Lille, en Angleterre, en Allemagne, pour cette mobilisation de la jeune, pour cette mobilisation autour de Calais. À Calais, on est Calais. À Calais, il n'y a pas de palais. À Calais, il n'y a pas de balais. À Calais, il n'y a pas de collier. À Calais, on va à Calais. À Calais, à Calais, à Calais, à Calais, à Calais, à Calais. On va danser le coupé décalé. À Calais, on va caler. À Calais, on va décaler. À Calais, on va découper. Ok, donc c'était le reportage à la manifestation de Calais qui avait eu lieu le 23 janvier, voilà, donc on va faire une petite pause musicale, c'est Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. On revient tout de suite avec Youssouf et tous nos invités. Donc c'est une compile qui avait été faite par un groupe qui s'appelle La Goupille, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est un groupe de culture alternative un peu, et donc c'est un son de Scalpel et featuring Saïdou, On est chez nous. Première ligne featuring Saïdou du groupe Zep. Chez nous, parce que la sueur de nos pères a coulé entre les fissures des murs et du goudron, dans les mines de charbon, dans les briques, le ciment, les bâtiments, les blocs durs en construction. Qui veut qu'on dégage? Qui pense qu'on a une dette? Qui pense que nos blocs ne nous font pas mal à la tête? Expite ton ville, vite ton style de vie sans fil, vide ton verre et garde ta caractère hostile. Latino-americano, je conchis les states comme un descendant de colonisé, conchis la France, conscient de mon statut d'indigène déraciné, immigré. immigrés de cité depuis l'enfance, bim, ferme ta gueule, le prolétariat c'est nous, écriteurs engagés qui agrandissent le sou, rendez-nous le tiers monde, on vous rendra la CAF, repentez-vous bâtard, on crevez avec vos discours de faf. On a suivi le schéma, le parcours classique des gosses de banlieue, les immigrés à l'avenir déjà tracés, c'est mon devoir d'insolence, la France je l'aime pas et je la quitte pas, fils indigène musulman. Le schéma, le parcours classique des gosses de banlieue. Les immigrés à l'avenir déjà tracés. Nous, c'est une pensée pour tous nos enfants. Ça appartient comme la Chérie, j'ai du savon. Mais rien à foutre de ce que tu penses. Eh ouais, on est chez nous, minorité originaire du sud. Élevé à la chambre, indigénisme et négritude. Petit fils de tirailleurs, colonisé de l'intérieur. Suspecté par Lester et contrôlé à toute heure. Né ici par hasard, français sur paplard. Jugez-moi à Besbar, 59 sur le dossard. Allergique au larbin, au bounty, au pleurnichard. Clandestin, mon destin, l'exil dans la mémoire. Ils voudraient que je me prosterne devant leur drapeau, que je sois docile, bien serré dans le troupeau, que je montre pas de blanche, que je rase les murs. La pression est permanente et conditionne mon écriture. Chantage au patriotisme, prouver ma francitude, chanter la Marseillaise, renier mes habitudes. Moi j'assume, je revendique mon ingratitude, insolente, outrageante, et mon attitude. Quien quiere, me pide, que no me quede, que diga si jefe, ok, y no me queje, me dicen mi casa es tu casa, casa. Pero compa no te olvides que es mi casa, casa. Cuando necesitan pa'l trabajo. Retour sur l'émission Au fond près du radiateur, une spéciale Calais. Nous avons Youssouf avec nous, c'est lui qui est l'auteur du reportage que vous venez d'écouter, avec Raphaël qui a fait le montage. Et on a Tristan aussi avec nous. Du coup Youssouf, toi t'étais à la manif de Calais? Oui, j'étais à la manif de Calais en fait. Et tu étais pourquoi en fait? Parce que je vais être avec des immigrants, parce que je vais monter ma solidarité avec ces gens-là, parce qu'ils méritent du soutien, en fait. Ils ont besoin de ça, en fait. C'est pas le moment de les abandonner, c'est pas le moment de les laisser seuls. C'est que ce sont des gens, et à un moment donné, c'est que c'est dans la jungle, en fait, comme vous voyez, dès la deux semaines, vraiment, moi, je ne pensais pas ce que je peux avoir à ce que je vis à Calais, en fait. Mais toi-même, tu as été migrant. Tu es venu en France et tu as fait une demande d'asile. Oui, depuis 2013. Je suis en 2013 ici à France. En France, j'ai obtenu mon titre de réfugié en tant que tchadien, en tant que demandeur d'asile tchadien, mais là, j'ai obtenu. Merci. Bon, je pense que ce n'est pas tout ce monde qui sont là pour avoir ça. Et je pense qu'à un moment donné, si ces gens-là acceptent de lui donner le titre de réfugié ou par exemple les intégrer, comme on a bien de dire, c'est qu'il n'y aura pas de jungle en fait. La réponse est très simple. Il n'y aura pas de jungle, sauf certains qui décident d'aller en Angleterre. Ils savent pourquoi ils veulent aller en Angleterre. Soit la France ne donne pas ce qu'ils demandent comme des droits, soit, à mon avis, le manif de Calais vraiment était bien. C'était bien organisé. Et moi, ça m'a fait un an qu'ils habitent à Calais, mais je n'ai jamais vu un manif pareil. Et c'est facile, de là, deux semaines, le manif de deux semaines passées, c'était vraiment assez magnifique. C'était bon. Du coup, au-delà de la manif, en fait, tu connaissais Calais depuis un an ou un petit peu plus, et tu avais l'habitude d'y aller. Oui. Et qu'est-ce qui t'a frappé sur Calais ou sur ce qu'on appelle la jungle? Ben, le jungle, ça ne me frappe pas du tout, en fait. Ça m'a déçu, en fait, si je vois des images. Pareil, en fait, dans un pays des terres d'asile, dans un pays d'accueil comme la France, cette image, ça ne me plaît pas du tout. Et ça ne plaît pas à quelqu'un d'autre en tant que... de voir une image pareille, en tant qu'animé, moi, ça ne me plaît pas. Des familles iraniennes et des familles turques, tu peux trouver cinq familles dans une petite tente avec des enfants. Cette image, vraiment, moi, je me dis, c'est pas le plaisir d'être là. C'est que lorsque quelqu'un a quitté chez lui, essaye de voir pourquoi il est là. Est-ce qu'il est là venu pour une visite? Est-ce qu'il est là pour... de quoi alors? Il prend des visas à Schengen pour venir voir l'Europe en tant que touriste et d'aller rester dans la jungle ou bien rester dans une tente? À mon avis, non, c'est pas ça. Si on regarde, si on jette un coup d'œil en Syrie, par exemple, en Libye aujourd'hui, en Afrique en général, certains pays, c'est que c'est pas le plaisir. À mon avis, c'est pas le plaisir. Ce que tu veux dire par là, c'est pas des gens qui se présentent en Bermuda, les mains dans les poches, avec un appareil photo autour du cou pour venir faire un tour en Europe. C'est des gens qui ont fui leur pays ou leur terre d'origine natale pour des raisons beaucoup plus essentielles que des raisons économiques ou autres. Ça peut être des raisons. C'est ça. Si c'est la raison économique, moi je pense pas que c'est en avoir 50 états du monde en fait. On sait en Afrique, il y a 53 pays ou 54 pays. Bien sûr qu'il y a la misère, bien sûr qu'il y a des pauvretés, mais je ne pense pas à ces façons aujourd'hui. Si tu vois, à un moment donné, dans un mois, on voit 1 million de Syriens qui rentrent en Europe, c'est que ce n'est pas un problème économique. Plutôt, c'est un problème. C'est une dimension de violence, en fait, qui existe. C'est ça. Moi, je pense, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce qu'on vit, et c'est ce que le média parle, et c'est ce que tout le monde voit, en fait. C'est la réalité. Et il faudrait. Essaye de faire les gens faire de plus, le gouvernement européen essaye de faire plus en fait, d'avoir un maximum d'aide pour ces gens-là en fait. Mais tu penses quoi de l'accueil de la République française par exemple au niveau des migrants ou du refus de l'Angleterre d'accueillir, que la France laisse passer les migrants qui désirent aller en Grande-Bretagne demander l'asile? Bon, la réponse est très simple. Quant à moi, je me dis que la réponse est très simple. Pourquoi? Si le gouvernement français, s'il l'arrange de laisser les immigrants passaient en Angleterre, peut-être ça les arrange. À un moment donné, en 2013, il y a M. Bodi, le défenseur des droits de l'homme, ou quoi, je ne sais pas. Il a décidé, je crois. Bon, il nous a dit bien qu'à Calais, votre voix était bien apportée jusqu'à le ministère de l'Intérieur. On a bien entendu votre problème. Dans bientôt, tout le problème sera réglé. Si c'est ce qu'ils avaient dit quand ils avaient démantelé le centre de rétention qu'il y avait à côté de Calais. C'est ça. Bon, aujourd'hui, nous sommes sur le gouvernement d'Emmanuel Valls. Je ne vois pas des grandes choses qui changent en fait. Une fois à Calais, on voit plus de 4000 quelques policiers ou gendarmes qui se trouvent à Calais. Tout juste pour des immigrants, pour des personnes moins qui n'ont même pas rien, moi je me dis. On voit une quantité désarmée que devant des immigrants, c'est comme il y a autre chose. Et ces gens-là veulent tout juste un vie mieux. C'est l'Angleterre. On voit aujourd'hui, il y a des gendarmes anglais qui sont au port de Calais, ils empêchent, ils contrôlent toute voiture ou tout camion qui passe au port. C'est-à-dire, il y a un détecteur métaux pour détecter le mouvement des personnes à l'intérieur des voitures ou bien dans un camion. S'ils font ça, c'est qu'ils ne veulent pas que les gens passent. En plus de ça, ce qui se passe aujourd'hui, ils essayent d'empêcher les gens ne passent pas. Mais à mon avis, il va y avoir toujours des problèmes pareils. Il va y avoir toujours des jungles. Il va y avoir toujours des jungles. Ça peut exister, même s'ils ferment ça, il y aura toujours. Il y aura toujours, sauf s'ils intègrent ces mondes-là, peut-être le problème ça va aller mieux. Mais une fois qu'ils n'acceptent pas de les intégrer, ils n'acceptent pas de se passer, ça ne peut pas s'arrêter. Moi, je pense comme ça. Mmh. Mais du coup, on a aussi Tristan avec nous, qui fait partie des solidaires sur la thématique des migrants ou autres, et qui était à Calais également. Apparemment, ce qu'on entendait sur Paris ou dans d'autres endroits en France, que les médias rapportaient, c'était qu'il y a eu un problème apparemment à Calais, les grilles du port sont tombées et plusieurs migrants se sont précipités et certains ont essayé de prendre un bateau et on a présenté les choses de telle façon de dire qu'en fait il y avait un collectif qui s'appelle No Border, il me semble, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui était responsable de ça et qui avait mené une stratégie pour accéder au port et pour faire tomber les barrières. Alors qu'il y avait des migrants qui disaient que c'était leur propre stratégie qui s'est développée. Moi, je voudrais savoir ce que tu en pensais. Moi, j'ai fait toute la manif. Comme dit Youssouf, j'ai trouvé ça très cool. Il y avait environ 3000, 4000 personnes. Il y avait une bonne ambiance. Ça avançait vite. C'était sympa. On est arrivé sur une des places principales de Calais. À ce moment-là, il y a eu des interventions pendant quasiment une heure et il y a plusieurs fois où il y a un groupe de 200-300 migrants qui ont essayé de lancer un mouvement collectif en disant UK, UK, UK. Et au bout d'une heure environ, ils se sont dit, ils ont fait passer le mot, ils ont dit on va au port. Et parce qu'en en fait, ils ont envie de mettre en application directement ce qu'ils revendiquent, c'est-à-dire le passage des frontières et l'ouverture des frontières. Ils, en l'occurrence, c'est les migrants, oui, on est d'accord. Exactement. Bah, moi, ça me marque pas mal ce truc sur les no borders ou autres, parce qu'à partir du moment où on remet en cause l'existence des frontières, on est affilié à ce mouvement, parce que l'État a besoin de catégoriser et de trier, comme le fait de dire les migrants et de gérer des flux plutôt que des êtres humains qui ont tous leur parcours personnel et leurs histoires. Et il y a aussi ce truc de priver les personnes de leur humanité, de leur intelligence, de leurs propres décisions, parce que dire que 6 personnes, 7 personnes auraient conduit 300 personnes à déborder les grilles du port pour aller embarquer effectivement sur un bateau, c'est considérer que ces gens sont pas capables de s'auto-organiser. Moi j'ai un peu suivi ce mouvement là, j'ai vu les gens aller jusqu'au bateau et en fait le truc c'est que les personnes elles veulent juste passer en Angleterre, c'est tout ce qu'elles demandent. Comme le disait Youssouf, il y a des gros problèmes à Calais, beaucoup de violences policières. Ça arrive très souvent, ça arrivait lundi dernier, hier justement, que les flics interviennent sur la jungle, tirent au flashball sur les gens qui habitent là-bas, tirent du gaz. Et comme c'est des zones de un peu de non-droit où il n'y a pas beaucoup de médias, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien qui est relayé. Il y a un truc qui m'a marqué pendant la manif, il y a un fasciste qui a sorti un flingue, un vrai fusil, et qui a menacé des migrants avec. Et les infos, ils ont relayé ce truc-là en mode un Calaisien excédé essaie de se défendre face aux migrants qui lui balancent des pneus dessus. Et en fait, si les migrants ont commencé à lui balancer des choses dessus, c'est parce que ce mec-là les a insultés et a essayé de les agresser, quoi. Avec un fusil. Ouais, il a sorti le fusil plutôt après, quoi. Mais il a sorti un vrai fusil. Et ce mec-là a jamais été inquiété. Faut savoir que sur le port, il y a 24 personnes qui ont été arrêtées. Il y en a 9 parmi les 24 qui sont sorties avant les 24 heures de garde à vue. Moi, je suis resté là-bas jusqu'à lundi. Je vais raconter aussi le procès qu'il y a eu pour les personnes qui ont été en procès. Il y a 4 personnes avec des papiers français qui sont sorties parce qu'il n'y avait aucune preuve contre eux. Ils ont juste été trouvés sur le port, mais ils étaient accusés d'avoir défoncé des grilles. En tout cas, les flics leur ont foutu la pression là-dessus, mais il n'y avait aucune preuve vidéo ou d'image ou quoi que ce soit. Il y a 3 personnes solidaires qui n'avaient pas de papier français, qui étaient italiennes, qui ont été envoyées en centre de rétention malgré la décision du procureur qui avait dit on relâche ces 7 personnes là. C'est le préfet qui a décidé de les envoyer en centre de rétention. Et il y a 8 personnes, dont 2 personnes solidaires et 6 personnes migrantes, qui sont passées en procès lundi, et on leur proposait la comparution immédiate. Ils ont demandé un délai pour préparer l'audience. Le procès, c'était un peu une espèce de parodie de justice avec une procédure qui était un peu faite n'importe comment, des fusions de procédures qui se faisaient au dernier moment. Les avocats ont demandé l'annulation de la procédure. Le procureur de là-bas, il s'appelle Jean-Pierre Valency et ça a l'air d'être un gros républicain conservateur assez dégueulasse. Et du coup, il y a un nouveau procès qui va se tenir le 22 février. Il y a un appel pour y aller et soutenir les personnes qui vont passer devant le juge. Faut savoir aussi qu'en garde à vue, les amis avec qui j'ai parlé, qui sont sortis dimanche, ils m'ont parlé de grosses différences de traitement entre eux, qui étaient un peu sous pression par la police, mais ça allait, et les migrants, que les policiers laissaient pas aller pisser, laissaient pas sortir tranquille. Et qu'ils insultaient, etc., avec insultes racistes et autres à la clé. Et pareil pour le procès, finalement, les 2 personnes solidaires, tout le monde avait les mêmes garanties de représentation, c'est-à-dire juste une attestation d'hébergement. Les 2 personnes solidaires, elles ont été relâchées avec un contrôle judiciaire, et les 6 personnes migrantes, elles sont en détention jusqu'au procès qui a lieu le 22 février. Ok. Moi, du coup, ce qui me frappe beaucoup, c'est souvent, en fait, c'est relayé par les médias constamment, le fait de infantiliser les populations ou de migrantes ou de sans-papiers qui viennent en France et d'imaginer qu'en fait ils sont incapables de s'organiser, incapables d'élaborer des stratégies ou autres. Alors que rien que sur Paris, tu as pas mal de collectifs de sans-papiers qui se sont constitués, qui élaborent des stratégies, qui mènent des luttes et qui les mènent pleinement. Je sais pas pour quelle raison, c'est une raison plutôt xénophobe, le fait de considérer que comme c'est des gens issus d'Afrique ou d'Asie, ils sont incapables de penser ou de réfléchir, ou c'est une raison misérabiliste du genre ouais. C'est des pauvres, ils sont dans le besoin et tout, on va pas leur taper dessus. On préfère taper sur les solidaires Et souvent, en plus, quand on tape sur les solidaires, il y a une méconnaissance de la justice qui fait que les solidaires sont automatiquement des no-borders, quoi qu'il arrive. Ouais, mais c'est finalement, enfin, c'est juste sur ce que tu dis à la fin. Tu dis on tape sur les solidaires, mais ceux qui prennent le plus cher, c'est les migrants, en fait, parce qu'ils se font tabasser par les flics dans la jungle et qu'en fait, il n'y a personne pour voir ça et qu'il n'y a personne pour filmer, pour prendre des vidéos. Je crois qu'il y a des collectifs qui prennent des collectifs de migrants sur la jungle qui essayent de prendre des photos. Il y a un truc qui s'appelle Jungle Eye. Et c'est des migrants qui ont des appareils et qui prennent des photos de ce qui se passe, des vidéos, et qui essayent de relayer un peu les infos d'ailleurs, sur ce qui se passe. Il y a une page Facebook Jungle Eyes où on peut voir ce que postent les migrants en général comme photos ou comme texte. Ouais. Mais je crois que Raphaël va nous faire une petite pause musicale là, okay, vite fait, et après on va revenir avec nos invités et avec Martina, et Robinson va nous passer une petite playlist sur la Jamaïque, qui vient de Jamaïque. On a been the color no we so green, he give me more iron and more protein. Where the upon a been the cabbage we so green, me a feed the things them were clean. Again, where the upon a been the color no we so green, he give me more iron and more protein. Where the upon a been the cabbage we so green, me a feed the things them were clean. The one on them farm the ground, no bother scan the ground. Red peas go and go peas and can the ground. Me say fi farm the ground, no bother scan the ground. Whole pa orange tangerine and farm the ground. Me say fi farm the ground, no bother scan the ground. Whole pa scallion and thyme and can the ground. Me say fi farm the ground, no bother scan the ground. Dropping and dashing and can the ground. Me tell the ghetto youth them fi start the ground. Put on your water boot and go walk the ground. Get your machete and your fork and go fart the ground. Come make we east, west, south and north the ground. Operation from the first day, me ban on me picnic, no fi hungry, none of them no fi yarn. That's why every day me have to work on the farm. So watch him make me ring the alarm. One of them farm the ground, no bother scan the ground. Red peas, goon, go peas and can the ground. Me say fi farm the ground, no bother scan the ground. Whip a orange tangerine and farm the ground. Me say fi farm the ground, no bother scan the ground. Whip a scallion and thyme and can the ground. Du coup, on a Martina, qui est une des personnes qui a été inculpée, qui va intervenir par téléphone. C'est Raphaël qui gère. Ouais, allô, Martina, tu nous entends bien ou quoi? Salut. Salut. Du coup, toi, t'étais à Calais aussi, il me semble, à la grande manif, ouais, il y a deux semaines, et tu t'es fait arrêter. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et comment tu t'es retrouvée dans cette situation? Oui. Bah alors, ouais, j'étais à la manif à Calais avec d'autres personnes, on est parti de Paris. Au fait, vers la fin de la manif, dans le moment où il y a eu l'invasion du phare, on était interpellés en marge de la manif et on était sept. À ce moment-là, on a été amené dans un poste de la PAF du port. Et là-bas, ils nous ont enfermés dans une chambre sans rien dire, sans rien notifier. On a attendu genre une heure et après, ils nous ont fait sortir pour nous amener au commissariat des Coquelles. Et là-bas, ça a commencé la garde à vue. Et du coup, on a passé 24 heures en garde à vue. Pendant les 24 heures, ils nous ont mis beaucoup la pression par rapport au fait qu'ils voulaient nous inculper. Genre, ils nous ont dit qu'il y avait un migrant qui était mort à cause de nous parce qu'il s'est jeté dans l'eau du bateau. Ils ont mis vraiment la pression. Il y a eu des interrogatoires pendant la nuit. Ils nous ont fiché, prise de empreintes, les photos signalétiques et tout ça. Et vers la fin des 24 heures de garde à vue, finalement, les procureurs qui nous avaient inculpés des dégradations de matériel à Réunion, il a fait tomber les chefs d'inculpation. Et du coup, vu qu'on était sept, il y avait quatre Français, à la fin des 24 heures, ils sont partis, ils ont été libérés sans poursuite judiciaire. Mais nous, on était les trois Italiennes qui étaient là. En fait, le préfet, il a demandé un OQTF. Et du coup, il nous a mis un OQTF en utilisant les mêmes chefs d'inculpation qui étaient tombés pour les procureurs. Et du coup, à ce moment-là, ils nous ont amenés dans le CRA de Lille. Et voilà, du coup, dimanche soir, on est arrivé dans le centre de rétention et on y a passé 3 jours. Jusqu'à quand, mercredi soir, les mêmes préfets qui nous avaient inculpés des mêmes choses qui, en fait, déjà le procureur, il avait fait tomber, il a tout retiré. Du coup, il a retiré l'OQTF. Parce que, en fait, c'est basé sur l'illégalité. À partir du moment où nous, on habite en France depuis 3 ans et on a un travail ici, on va à la fac, etc. Et en fait, l'OQTF, c'est possible. En fait, ça existe dans la loi française. La possibilité de donner un OQTF pour les ressortissants de l'Union européenne, que s'ils sont en France à partir de moins de 3 mois. Et du coup, c'est un outil qui est beaucoup utilisé, surtout contre les Roms et des Bulgaries et de Roumanie. Et voilà. Et du coup, on a passé 3 jours dans le CRA en attendant, du coup, les premiers juges. Martina ? Juste ouais. Pour qu'on comprenne bien, en fait, vous étiez 7 personnes à vous faire arrêter en marge de la manif. Et on vous a placé en garde à vue sous le fait d'avoir mis en danger la vie d'autrui, c'est ça ? La vie d'une personne ? En fait, les chefs d'inculpation, c'était dégradation des matériels en réunion. Du coup, c'était par rapport au grillage, c'était par rapport à l'invasion dans le port. Et après, c'est les flics qui nous mettaient la pression en disant des trucs qui n'étaient même pas vrais, comme la mort d'un migrant. Ils ont voulu pour nous mettre la pression. Ils ont voulu vous culpabiliser, du coup. Ouais. Et toi, du coup, quelle impression t'as par rapport à cette expérience, en fait, en tant que personne, en tant que solidaire ou en tant qu'italienne? Moi, je pense... Enfin, j'espère que cette situation, vu que par rapport à ça, par rapport à nous, il y a eu beaucoup de mobilisation pour nous faire sortir et tout, en France comme en Italie. Et du coup, j'espère que ça va être une occasion pour se focaliser sur qu'est-ce que c'est ANCRA. Et du coup, pour parler de toutes les histoires des gens qui sont là-dedans, qui en fait sont complètement abandonnés. Et isolé. Et du coup, c'est pour ça qu'on se sent aussi assez privilégié par rapport aux autres, parce que déjà, dans le CRA, le fait de pouvoir parler français et d'être européenne, c'est un privilège. Et par contre, les autres, s'ils ne parlent pas français, tous les papiers qu'ils nous donnent par rapport au procès, etc., sont qu'en français. Il devrait y être un traducteur, mais souvent il n'y a pas de traductions qui sont faites. Martina ? Ouais. Ouais. Moi, je voulais te demander, parce que je sais que je suis venu vous rendre visite au CRA et j'ai trouvé ça assez étrange qu'il n'y ait que des policiers mecs qui gardent les filles, surtout des filles qui ne peuvent pas parler français. J'imagine les pressions qu'elles peuvent subir à l'intérieur. Et il me semblait aussi que vous aviez essayé de garder contact avec des femmes que vous aviez rencontrées dedans et de leur filer des infos. Ouais. Bah ouais, déjà ça, c'est assez significatif, le fait qu'il n'y a que des filles mecs qui peuvent rentrer dans la section féminine. En fait, à 5h du matin, il y a un comptage et c'est des filles comme qui rentrent dans les chambres pour se compter. C'était vraiment un peu dégueulasse. Et voilà, après nous, on a essayé un peu de garder contact avec les filles qui étaient dedans. On a un peu essayé de comprendre leur histoire, essayé de comprendre ensemble quel est leur avenir, parce que pour nous aussi, c'était pas évident comprendre les trucs de jurisprudence, etc. Mais voilà, là, après, on sait qu'il y a des filles qui sont sorties. Il y a deux jours, ils ont été libérés. Et voilà, quoi. Merci beaucoup, hein, Martina. On est obligé de couper court, en fait, à l'interview et l'entretien entre les invités et autres. Ça okay. nous donne envie de faire une émission spéciale, en fait, sur les migrants, qui durera totalement une heure et demie. Mais pourquoi pas d'aborder les différents aspects sur la question des migrants, que ce soit le point de vue des migrants, point de vue des ouais. solidaires ou des expériences passées en centre de rétention et autres. Du coup, on te remercie beaucoup d'avoir appelé et puis de nous avoir donné ton témoignage. On va enchaîner avec Robinson qui nous a ramené, comme je vous le disais tout à l'heure, du soleil de Jamaïque, mais pas que du soleil, aussi du son, et qui vient d'un autre type de jungle, qui ouais. est la jungle jamaïcaine. Je veux juste filer une info en deux secondes, c'est juste que le bordel du port a permis quand même à des personnes de passer en Angleterre. Au moins 3 personnes confirmées, et peut-être qu'elles sont pas passées sur le bateau mais qu'elles sont passées par des camions au moment où ça s'est passé, et que c'est une belle expression de solidarité et de mise en pratique de ouvrons les frontières. Super. Ouais. À toi, Robinson. Ouais, Mustapha, on va pouvoir se faire cette jolie pause musicale. And I'm representing for Sasha, my friend. And when I step in the place, everybody them a shout because them amazed. And they select a hymn, I turn up the treble and I turn up the bass. It's like the reggae jam. It's like the reggae jam. Hey! Bounce, bam. So reggae music, it bumps like that. Straight to the top. Bounce, bam. So reggae music, it bumps like that. Straight to the top. Bounce, bam. So reggae music, it bumps like that. Straight to the top. Bounce, bam. So reggae music, it bumps like that. Now when I be a flop. Hey, and when I rock it with my lady, I'm a baby, this and a maybe. Sun it a shine and we cooling at the shady. After me rhyme, then go never be lazy. I will me step in at the place, don't jump in at me face. The music a blasting at me ace. And you know I'm here, Sasha, we are on the place. And everybody knows that we great. And everybody knows that we great. Reggae jam, reggae jam, reggae jam. Everybody me say do the reggae jam. Reggae jam, reggae jam, reggae jam. Rum up dance all and cock up the shine. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. On vient de s'écouter Marley B Reggae Jam, tout frais du nord de la Jamaïque. Au fond, près du radiateur. Hey, y a des glaces à la cantine. Le programme que vous allez écouter est une rediffusion. Vous êtes toujours sur l'émission Décolonisons, donc qui a lieu chaque mois de manière un petit peu irrégulière. Donc vous avez l'occasion de réécouter ces émissions sur le blog de Survie 31 ou sur le site de Canal Sud où elles seront en podcast. Donc pour la suite, on a consacré un temps un peu plus long au Congo-Brazzaville, où on a interrogé Guillaume de notre association qui a travaillé plus spécifiquement sur ce pays, où il vient de se passer des grandes mobilisations contre la tentative malheureusement réussie de se maintenir au pouvoir de la part du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui de manière plus ou moins continue est au pouvoir depuis 1979. Voilà, donc on écoute cette première partie qui revient un peu sur l'historique des années 80 à aujourd'hui du régime de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville et sur les relations qu'il entretient avec la France. En fait, il doit sa place directement à l'intervention de notre pays. Ce qui m'a intéressé dans le Congo-Brazzaville, outre la situation spécifique de ce pays qui est assez dramatique, c'est qu'on y retrouve à peu près tous les éléments de ce qu'on dénonce dans la France-Afrique. On a l'omniprésence des services secrets, la mainmise d'elfes très tôt et jusqu'à maintenant, les coups d'État, voilà. Je vais peut-être faire un petit historique depuis l'indépendance. Donc le Congo-Brazzaville obtient son indépendance en même temps que les autres pays africains en 1960. Il expérimente pendant 3 ans un régime multipartite, qui n'est pas parfait, mais qui s'ouvre doucement, et qui est renversé par un coup d'État en 1963. Le nouveau président passe dans un régime de parti unique, officiellement socialiste. Ça dure pendant 5 ans. En 1968, un groupe d'officiers assez jeunes organise un nouveau coup d'État, renverse Massamba Déba et installe Marien Nouabi, qui continue dans un petit socialiste officiel. Alors Loïc Lefloc-Frigent, qui était ancien PDG d'ELF, aura cette phrase à propos du socialisme congolais, et il dira le Congo-Brazzaville, intense socialiste, toujours sous le contrôle d'ELF. C'est-à-dire que dès le départ, ELF est présente et est en situation de quasi-monopole. On est dans cette période-là, les 9 dixièmes de la production sont opérés par ELF et le reste par ENI, société italienne. Voilà, donc à partir de 1968, Marien Nouabi est... On a un officier qui fait partie déjà à cette époque-là de ces officiers qui ont organisé le coup d'État, qui monte dans l'appareil sécuritaire jusqu'à devenir patron des services secrets et qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso participe à un coup d'État en 1977 qui renverse Marien Nouabi et qui le fera définitivement accéder au pouvoir en 1979. Et c'est le début de l'ère Sassou, qui est une dictature d'une violence complètement débridée. Je peux peut-être citer l'exemple de ce capitaine qui enquête sur le coup d'État de 79 et l'assassinat de personnes pendant cette période et qui commence à accuser Denis Sassou Nguesso. Cette personne est emprisonnée, mais on ne se contente pas de ça. Un avion est affrété avec blindés, artillerie, et on va raser le village de ce capitaine. On ne sait pas exactement combien il y a de morts, mais on sait que c'est plusieurs milliers. Voilà, donc on est dans ce niveau de violence-là. À noter que c'est un avion, ces troupes ont été déplacées dans un avion français, affrété par l'armée française. Voilà, dans les années... En 1990, dans plusieurs pays africains, il y a une effervescence démocratique et le Congo-Brazzaville, ça prend bien. Il y a vraiment, sur tout le territoire, quelque chose qui est assez comparable à ce qui a pu se passer en France pendant la Révolution française. Il y a des états généraux qu'on a appelés la Conférence nationale souveraine qui sont organisés. Il y a des élections qui sont organisées suite à cette conférence, qui sont les seules élections à peu près incontestées que le Congo-Brazzaville a connues et qui amènent à l'élection de Pascal Lissouba, qui devient donc le président légitime du Congo, qui était certes pas parfait, qui était un pas parfait élu. Pascal Lissouba, rapidement, met les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'il va commencer à se poser la question des privilèges d'Elfes. ELF qui extrait le pétrole dans des conditions complètement extraordinaires et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, exploite le régime de la concession, donc en gros paye pour avoir un forage, l'exploite et dit on a extrait 100 000 barils aujourd'hui et la part qui revient à l'État congolais c'est 17%. Ce qui est dérisoire par rapport notamment aux pays de l'OPEP qui sont plutôt à 50. Et sachant qu'on parle bien sûr du pétrole que ELF déclare. Et dans cette période, on estime qu'il y a au moins une cargaison sur 4 qui n'est pas déclarée. Donc on est dans des sommes qui sont réellement considérables. Pascal Lissouba demande un audit sur la gestion du pétrole et demande à ce qu'on passe les royalties à 34%. Et immédiatement, ELF organise déjà l'assèchement des finances de l'État congolais. C'est-à-dire, quand on a un État qui dépend complètement d'une seule matière première, donc en l'occurrence le pétrole, et que cette matière première est contrôlée par une seule entreprise, en l'occurrence ELF, Si l'entreprise ferme les robinets, l'État, en un mois, ne peut plus payer ses fonctionnaires, ne peut plus fonctionner du tout, quoi. Donc, Elf joue avec ça. Et on a des preuves, dans cette période-là, avec la perquisition menée par les juges Joly et Wisniewski au siège d'Elf, dans la tour Elf, preuve formelle de la préparation d'un coup d'État par des gens dans la tour Elf. Et c'est assez rigolo de lire le témoignage de Christine de Viejancourt qui dit « J'ai vu Alfred Sirven qui était en train de placer des pions sur une carte en disant « Faut mettre des tanks ici, il faut faire ça. » Et alors, elle prend peur, elle va voir Roland Dumas, ministère des Affaires étrangères, et lui dit Roland, Alfred est en train de préparer un coup d'État au Congo. Et Roland lui dit non, mais t'inquiète pas, t'en fais pas, quoi. Et elle dit ah, j'ai compris, donc Roland était au courant. Voilà. Et en 97, Denis Sassou Nguesso revient à la charge avec une troupe considérable et très hétérogène de tous les supplétifs de l'armée française en Afrique. Hein. On a des Sénégalais, des ex-forces armées rwandaises qui viennent de commettre le génocide quelques années plus tôt au Rwanda. On a les troupes angolaises. Et c'est une guerre civile abominable. On ne sait pas exactement le nombre de morts, mais plus que 100 000, ça c'est certain. Bon, le massacre des civils est toujours aveugle et inqualifiable. Mais on est vraiment dans quelque chose où Denis Sassou Nguesso a décidé de punir les parties qui sont supposées, les parties du territoire qui sont supposées ne pas lui être favorables, quoi. Et donc, on est vraiment dans le massacre systématique, notamment dans la région du Poule, donc le sud du pays. On ne peut pas parler de génocide à proprement parler, mais on est régulièrement dans le crime contre l'humanité. Voilà. Jusqu'à l'apothéose pour Brazzaville, fin 98, la ville est livrée au pillage. Donc, la ville connaît des barrages filtrants où tous les hommes supposés en âge de combattre sont massacrés, les femmes sont violées, enfin voilà, l'horreur totale. Et donc ce monsieur devient président du Congo Brazzaville, se taille une constitution sur mesure en 2002. Il se fait régulièrement réélire sur une base complètement frauduleuse, puisqu'il n'y a aucun moyen d'assurer une élection. Et c'est valable à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier électoral crédible. La commission électorale dépend directement du ministère de l'Intérieur, elle n'a aucune espèce d'indépendance. Même si tout à coup, ce monsieur avait une révélation et voulait organiser des élections crédibles maintenant, il ne pourrait pas, il n'y en a absolument pas les moyens, il faudrait des mois pour préparer ça. Ça, c'est une bonne partie de l'arnaque qu'il faut bien comprendre. À l'heure actuelle, on n'a aucune possibilité d'organiser des élections au Congo-Brazzaville. Sassou, il est immédiatement revenu sur les 17%. La dette a continué d'exploser à ce moment-là, notamment gagée sur le pétrole. Le mécanisme de la dette, notamment au Congo-Brazzaville, c'est juste que c'est une manne comme une autre. Les gens qui sont au pouvoir se gavent par tous les moyens, en détournant la rente pétrolière, mais une autre ressource du pays, c'est l'endettement, tout simplement. Donc, dans ce mécanisme-là, Denis Sassou Nguesso est passé maître pour contracter des prêts, dire on le remboursera en pétrole dans 20 ans, dans 30 ans. Et cet argent, après, est réparti entre l'origine du prêt, Denis Sassou Nguesso, les intermédiaires, vraisemblablement les partis politiques, les services secrets, etc. Il y en a pour tout le monde. Français. Ouais. Notamment, oui. Donc là, t'as décrit l'ascension au pouvoir et les premiers temps de l'exercice du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il en est pendant les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on va dire? Comment qualifier le régime pendant cette période-là? Et aussi, qu'est-ce qui évolue? On n'a pas vu, il me semble, que Total ait fait de nouveaux coups d'État là-bas. Il n'y a pas eu la même... tout à fait le même type de relation et de gestion du pays par la France. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Il faut bien comprendre que l'opposition a été laminée pendant la guerre. Ceux qui n'ont pas été laminés ont été achetés. Il n'en reste rien. Donc en l'absence d'opposition et quand on a écrasé toute une population, on peut se permettre après d'avoir une dictature un tout petit peu moins agressive. Je crois qu'on peut dire que la gâchette était un peu moins facile après la guerre, mais parce que voilà, il y avait plus personne à flinguer. Il y a régulièrement des arrestations arbitraires, des gens qui meurent en détention, sous la torture. Ça reste une dictature très très dure. Des journaux sont fréquemment fermés, mais ils ont essayé de se donner un petit peu l'apparence d'un état de droit, notamment avec cette constitution. voilà, en organisant régulièrement des élections, certes truquées, mais malgré tout, en essayant de donner cette apparence de légalité. Et c'est là qu'ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'ils ont fait une constitution avec deux, trois éléments, et un en particulier garantissant l'alternance. L'opposition et les gens n'attendaient que le moment où la constitution dirait maintenant, Denis Sassou Nguesso ne peut plus rester au pouvoir. Et donc c'était cette année. Enfin, c'est l'an prochain, puisque l'élection est supposée avoir lieu en juillet, que Denis Sassou Nguesso ne peut pas se représenter parce que la constitution, qui n'est du coup plus en vigueur, disait que à partir de 70 ans, il ne pouvait plus se représenter et que le nombre de mandats était limité à deux. Depuis l'arrivée de la Constitution en 2002, il a fait ses deux mandats. Oui, donc du coup, c'était plutôt sur le contexte interne au Congo, mais sur les relations entre la France et le Congo pendant cette période-là, est-ce que tu peux préciser un peu ce qui, enfin, comment ça se passe? J'ai l'impression que le lien direct France-Congo paraît moins flagrant, moins caricatural qu'il a pu l'être. À un moment, le Congo était vraiment un territoire français. Total extrait encore 60% du pétrole congolais. Donc ça le met quand même en situation qui n'est plus une situation de monopole, mais qui est une situation de domination absolument écrasante. Et dans la mesure où c'est la très très large majorité du budget de l'État, des revenus du clan au pouvoir, la puissance très largement dominante reste la France. Le port de Pointe-Noire est opéré par Bolloré, les concessions forestières sont essentiellement la propriété de groupes français, Rougier, Bolloré, ouais. Donc le lien est plus aussi organique, en tout cas plus affiché aussi fortement, mais en réalité, il reste très largement dominant. Et l'argent de la fortune colossale du clan Nguesso est très largement réinvesti en France, ce qui d'ailleurs leur pose des problèmes relatifs à mon avis, mais malgré tout des problèmes avec l'affaire des biens mal acquis. On a vu aussi, il me semble, sous Sarkozy, un certain nombre d'officiels, de militaires au gradé congolais décorés de la Légion d'honneur. On a l'impression qu'il y a, comme dans beaucoup d'autres pays, une proximité forte entre certains militaires français et certains militaires congolais. Est-ce que tu en connais un peu? Est-ce que tu peux nous donner un mot ou sur la coopération? Oui, ça c'est un mécanisme un peu plus général qui est certainement un des liens souterrains qui explique beaucoup de choses. Il y a l'argent, mais il y a cette histoire-là aussi. C'est que les armées africaines, d'Afrique francophone, sont très très fortement liées à l'ancienne puissance coloniale, et surtout au niveau des gradés. Les hauts gradés sont formés dans les écoles d'officiers françaises hein, la plupart du temps. Et actuellement, la coopération française, donc c'est un accord de coopération qui est très ancien, mais qui a été réaffirmé, reprécisé cette année, je crois. Donc c'est pas une relique, quoi. C'est quelque chose qui est tout à fait en vigueur et en fonctionnement. L'armée française a plusieurs militaires sur place pour l'encadrement et la formation des officiers de l'armée, de la gendarmerie congolaise. Donc vous êtes toujours sur Décolonisons, l'émission de survie donc qui a lieu tous les mois, prochaine émission le 22 décembre. On est en train d'écouter Guillaume donc qui travaille particulièrement sur le Congo-Brazzaville et qui nous a dressé un portrait de l'histoire du pays récente, depuis les années 80, l'ascension au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. le rôle de la France dans cette ascension. Et on va maintenant s'intéresser un peu plus aux récentes mobilisations qui ont eu lieu pour contrer en fait la tentative réussie de se maintenir au pouvoir de la part de ce dictateur. Donc il y a eu cette année et l'année d'avant, par deux reprises, les Burkinabés qui ont mis en échec leur propre dictature. Il y a eu un vent d'inspiration de cet exemple un peu partout en Afrique francophone. Et donc, est-ce que tu peux dire un peu comment ça s'est manifesté? Parce que tu as parlé donc, de cette opposition qui a été écrasée pendant des décennies au Congo-Brazzaville. Là, il semblerait quand même qu'il y ait eu un sursaut conséquent, que tu peux nous en dire deux mots. Donc voilà, qui c'était ces gens-là, qu'est-ce qu'ils demandaient. Et puis peut-être simplement rappeler pourquoi ce sursaut et qu'est-ce qui l'a amené et comment ça se peut essayer de se maintenir. L'opposition s'est petit à petit restructurée pendant 15 ans. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas d'explication. Comment ça se fait petit à petit, les gens ont été de plus en plus audacieux. On fait des choses de plus en plus dangereuses, quoi. Là, récemment, il y avait des gens à Brazzaville avec des mégaphones pour appeler à aller aux meetings de l'opposition. Il y a 15 ans, c'était juste même pas possible d'y penser, quoi. Voilà, je sais pas. Je constate en tout cas que ça fait quelques années que de plus en plus l'étau s'est un peu desserré parce que les opposants ont desserré. Hein. Et forcément, voilà, il doit s'agir d'un calcul de l'État qui considère que pour que la situation reste gérable, ils avaient meilleur coup à mener une répression un peu plus silencieuse que trop s'afficher. Peut-être que ça devient un peu trop coûteux politiquement de faire passer les tanks sur les gens, je sais pas, même s'ils l'ont fait récemment, mais en prenant bien soin d'ailleurs de couper toutes les communications. Les événements récents, donc c'est cette échéance électorale en juillet 2016, élection présidentielle, dont tout le monde sait très bien que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucun moyen de faire une élection actuellement sans faire un recensement, sans qu'il y ait une commission électorale indépendante, ouverte à l'opposition bien entendu. Donc, voilà, déjà on n'a pas les conditions. La constitution interdit à Denis Sassou Nguesso de se représenter et a prévu que elle n'est pas révisable sur ces points précisément. Donc, il n'y avait pas de moyen légal de passer à travers ça. Donc, sentant cette échéance approcher parce qu'il ne pouvait pas le faire une semaine avant, donc là, on est un an avant, l'opposition en a fait un cheval de bataille depuis, ça fait au moins un an que c'est vraiment quelque chose dont il parle tout le temps, des formations. Alors c'est assez difficile de s'y retrouver, c'est assez hétérogène, il y a des choses qui naissent, d'autres qui semblent sombrer un peu, mais bon, il y a quelques structures là maintenant qui sont bien identifiées, et notamment le FROCAD, donc le Fonds d'opposition au changement de constitution et pour l'alternance démocratique. Doit être ça. Qui en a fait son cheval de bataille et qui travaille beaucoup sous forme de meeting auquel viennent une quantité de personnes qui est absolument pas à l'échelle de ce qu'on fait en France. Et donc il y en a eu un le 22 ou le 27, c'était le 27 septembre. On ne sait pas exactement combien de personnes il y avait, peut-être 100 000, on ne sait pas. Il y a même des chiffres qui ont été annoncés qui étaient supérieurs à ça, mais les images montrent de toute façon sur une place immense des gens à perte de vue et très très serrés. Donc l'opposition a vraiment pu vraiment se montrer avec comme mot d'ordre de refuser les manœuvres du pouvoir. Alors qui était le premier mouvement, ça a été au printemps. Le pouvoir a donc suscité un mouvement social qui demandait une évolution des institutions qui ne sont plus adaptées, qui posent plein de problèmes, et a donc organisé des rencontres de... Je ne sais plus quel mot était employé. C'était pas le dialogue national en premier, bon, enfin bref, des rencontres pour qu'il en sorte évidemment qu'il fallait changer de constitution. Ça a été tellement caricatural au niveau de son organisation que ça a dû être interrompu en cours de route. Ça a été très proprement boycotté par l'opposition. Donc ça s'est tombé à l'eau. Il en a remis une louche au mois de juin ou juillet. portugais, je ne sais plus, avec le dialogue national qui a été beaucoup mieux encadré. C'était d'ailleurs à Oyo, donc dans le fief de, donc vraiment sur les terres de Sassou Nguesso. Là aussi, boycotté très largement, l'opposition a organisé un contre-dialogue qui a bien fonctionné aussi. Donc ça, c'est vraiment des tentatives de légitimation pour montrer qu'il y a vraiment une volonté populaire. La société pousse Denis Sassou Nguesso à changer sa constitution. Lui, il est vraiment contraint d'obéir à l'appel du peuple puisqu'il est démocrate, quoi. C'est vraiment pour faire le coup du référendum, quoi. Alors qu'il y a un grand classique de toutes les dictatures. Juste après les Jeux africains, qui était à Brazzaville, quand tous les journalistes occidentaux se sont barrés parce qu'il n'y avait plus rien à y faire, Denis Sassou Nguesso a annoncé contraint par le peuple, il allait organiser un référendum, faire passer une nouvelle constitution. Donc il ne s'agit pas d'une révision, c'est vraiment une nouvelle constitution. Et ça a été fait dans un délai très court, quand les élections ont eu lieu quelques semaines après. Donc évidemment, aucune condition n'était réunie pour qu'il y ait une élection, ni pour que le texte soit lu, analysé, compris, même par des spécialistes. Et bon, bah donc ce vote a eu lieu, il a été totalement boycotté, hein. Il n'y avait vraiment personne dans les bureaux de vote, sauf dans les quartiers nord de Brazzaville. Ça a été vraiment boycotté. Il y a eu les résultats quasiment immédiatement après. Aucun pays africain, même dans ces élections truquées, ne se permet de donner les résultats dans les 48 heures, quoi. C'est juste impossible matériellement. Là, dans les 36 heures, on savait qu'il y avait une participation de plus de 70%, donc une très forte participation, et un oui à 90%, donc vraiment le peuple était enthousiaste à l'idée de changer de constitution. Ça, c'est toujours difficile à vérifier, mais on a des témoignages concordants de Brazzaville, comme quoi des gens ont vraiment été payés pour venir remplir les bureaux de vente, au moins là où il y avait des caméras, qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour donner un tout petit peu une apparence d'élection auprès des médias occidentaux qui sont pas allés chercher très très loin à cette occasion. Donc deux jours avant le référendum, le 20, le mot d'ordre de l'opposition était donc de manifester, et la désobéissance civile, qui n'a pas forcément été très très bien précisée, mais très suivie. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans la rue. Et là, la situation est très confuse. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait plus de réseau de téléphone portable, il n'y avait plus Internet, l'émetteur radio de Brazzaville était coupé. Voilà, donc on n'avait plus de nouvelles, on n'arrivait plus à joindre les gens qu'on connaissait là-bas, et on savait, notamment par les journalistes présents sur place, mais plutôt les journalistes anglo-saxons en l'occurrence, qu'il y avait des morts, qu'il y avait des tirs à balles réelles, des hélicoptères de combat qui survolaient Brazzaville. Ces gens ont connu, il n'y a pas très longtemps, il y a 17 ans, les mêmes hélicos qui tiraient vraiment. Il faut bien s'imaginer ce que ça veut dire pour la plupart des gens qui étaient dehors, sauf ceux qui sont très jeunes, d'avoir des hélicos qui tournent, de la fumée, des bruits d'armes. Ces gens ont perdu au minimum plusieurs membres de leur famille. Enfin, un ou plusieurs membres, c'est sûr, quoi. Donc il faut vraiment voir psychologiquement ce que ça veut dire de faire tourner des hélicoptères autour des manifestations. Bon, en tout cas, voilà. Donc il y a eu plusieurs dizaines de morts, donc beaucoup de blessés. Le référendum a finalement eu lieu, et après le référendum, c'est assez difficile de comprendre les raisons. Pour moi, il y a deux possibilités. Il y a eu des appels à continuer à la désobéissance, les marches, et puis c'est retombé comme un soufflé. Et alors, deux explications à cela. Un, la responsabilité de l'opposition qui a dit on va vers un bain de sang, il faut qu'on réfléchisse à d'autres moyens d'action, mais on ne veut pas envoyer les gens se faire massacrer. Les échos qu'on a de Brazzaville, c'est qu'il y a énormément de cuisine interne dans l'opposition, notamment dans les deux principales formations, le FOCAD et l'IDC, avec des suspicions de trahison sans cesse. On ne sait pas bien qui a quelle position, les uns seraient en train de gratter un poste ministériel, tout le monde soupçonne tout le monde, et certainement souvent à juste titre, et c'est très difficile de s'y retrouver. Mais voilà, il y a toujours cette espèce de mélange entre les possibilités de corruption quasiment illimitées du pouvoir, et les possibilités de répression elles aussi illimitées. Deux des leaders de l'opposition étaient assignés à résidence. Assigné à résidence, ça veut dire garde présidentielle, donc les troupes les mieux formées, les mieux armées du pays encercle la résidence, empêche tout le monde de rentrer, de sortir pendant une semaine. Voilà, il y a tous les moyens d'intimidation, de corruption, tout est utilisé pour que ça retombe, et il semble bien que ça ait fonctionné. Ce qui est sûr, pour revenir sur la comparaison avec Compaoré, je pense à la comparaison avec ce qui se passe au Burkina, qui est quand même assez enthousiasmant, la réaction à la tentative de coup d'État qui est récemment. Il faut bien comprendre par contre que Sassou Nguesso n'est pas Compaoré. On est vraiment, même si Compaoré est un militaire, Sassou Nguesso est un vrai warlord qui a connu plusieurs guerres, des guerres atroces. C'est un mec qui s'est tiré dans le tas. Nous, ce qu'on craint énormément en ce moment, c'est que dans l'opposition, il y a des velléités de reprendre les armes, qui seraient légitimes. Hein. Je pense que c'est pas pour critiquer sur le principe, quoi, mais c'est sûr que sur ce terrain-là, il gagnera. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne, quoi. Et penser aussi qu'il va reculer, que comme j'ai l'impression que des gens ont cru ça récemment quand il y a eu des grosses manifestations, moi je crois pas que c'est le genre de personne qui recule. Je crois vraiment qu'il est vraiment fou, quoi. Il a aucun scrupule. Du coup, est-ce que tu peux peut-être dire deux mots, quelles ont été un peu les réactions à l'étranger et en France en particulier, ces événements et à la manif des prostitutions? Alors, côté français, ça fait un moment que Hollande a plutôt bonne presse, à mon avis pour de mauvaises raisons, auprès de forces progressistes, notamment en Afrique francophone, parce qu'il a dit, déjà parce qu'il a dit au sommet de la francophonie de Dakar l'an dernier, qu'il serait très ferme, qu'il ne serait pas passé des changements de constitution, et que voilà, les gens qui voulaient se maintenir au pouvoir à vie, c'était très mal, quoi. Voilà. Il n'a jamais dit de quel pays il parlait. Il n'a jamais dit ce que ça voulait dire être ferme. Donc en fait, il ne s'est jamais engagé à rien. Il n'y avait finalement aucune raison de penser, à part le soupçonner d'être de bonne foi, qu'il était effectivement prêt à s'engager pour la démocratie dans ces pays-là. Le fait est qu'on a eu le silence radio total sur le Congo, sauf que Denis Sassou Nguesso a été reçu à l'Elysée. Le Drian a fait plusieurs visites à Brazzaville. A clairement dit d'ailleurs que entre l'objectif sécuritaire et l'objectif démocratique, actuellement la priorité, c'était pas la démocratie. Voilà, donc a priori, relation tout à fait normale avec un régime dont on sait très bien ce qu'il est, comment il est arrivé là et comment il compte se maintenir. Et la déclaration de Hollande suite à l'embrasement du Congo-Brazzaville, ça a été, je précise, quelques instants après la visite du ministre des Affaires étrangères dans le bureau de Fabius. Hollande dit « Denis Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple ». Ce qui revient d'ailleurs au communiqué de l'Elysée qui avait été fait après la visite de Sassou Nguesso quelques mois plus tôt, c'était « Il faudrait que ça se passe de façon consensuelle, que la volonté du peuple soit respectée », ce qui finalement est exactement ce que Sassou Nguesso attend, puisqu'il consulte son peuple. Avec une rétractation un petit peu purement formelle, quoi, juste après le référendum, c'est-à-dire que le ministère des Affaires étrangères dit « Nous prenons note des résultats », tollé général, et alors l'Elysée dit dans un communiqué qui n'a même pas été publié sur le site de l'Elysée, mais qui a juste été transmis vite fait le soir aux rédactions, bon, les conditions dans lesquelles le référendum a été organisé ne permettent pas d'en apprécier les résultats, mais nous prenons note des résultats. Voilà, donc c'est ça la position de la France, c'est que, bon, on n'est pas sûr que ce soit super réglo, mais on va faire avec, voilà. Et on continue la coopération, et Total n'a pas de problème pour extraire son pétrole. Voilà la position publique française. C'est assez difficile de répondre sur cet événement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, parce que c'est peut-être pas forcément là la réponse. S'il y avait une vraie volonté politique de lutter contre les paradis fiscaux, de soutenir une justice internationale qui soit vraiment une justice, de lutter contre les violations d'embargo, ce genre de choses, on n'aurait pas à se poser la question au moment fatidique de la position de la France, parce que c'est des choses qui ne peuvent pas tenir s'il y avait un minimum de justice, quoi. Comment est-ce que tu sens venir pour l'instant l'élection en juillet? Est-ce que les chiffres, les résultats du vote vont être en faveur de Sassou? Ça, j'en doute pas, mais plutôt en termes de mobilisation de l'opposition et de réaction du régime, quoi. S'il y a une militarisation d'opposition, ça va être un enfer. S'il n'y en a pas, Et étant donné la position qui a été manifestée par les pays qui comptent au Congo, je ne vois pas ce qui pourrait contrecarrer le... C'est un peu délicat de le dire comme ça, mais vraiment je ne vois pas. Le Congo-Brazzaville fait pour moi partie des pays pour lesquels l'horizon est vraiment bouché, quoi, au même titre que l'Angola. À l'heure actuelle, je ne vois pas ce qui peut sortir de positif à court et moyen terme.